magnétique, électromagnétique, voilà ton ami, voilà ton ennemi. Il clignote fort dans les yeux, ils font vibrer les narines. Illusion d'un futur qui hurle, c'est horrible, voilà ton ami, voilà ton ennemi. Non, je les aime pas les robots, tout autour beaucoup trop. Accès refusé, autorisé. L'ordinateur, la panique, l'ordinateur, la panique. Tâche exécutée, abandonnée, tâche exécutée, abandonnée. L'ordinateur, la panique, l'ordinateur, la panique. J'ai l'allergie des robots, je défoncerai bien un coup de marteau. Devant le screen. Accès refusé, autorisé, accès refusé, autorisé. L'ordinateur, la panique, l'ordinateur, la panique. Tâche exécutée, abandonné, tâche exécutée, abandonné. L'ordinateur, la panique, l'ordinateur, la panique. C'est l'enfer les robots, tout autour d'un coup trop normé. Pour enregistrer l'annulation de la défragmentation au redémarrage du système compilé, ignorer l'infiltration du disque dur. C'est toi le virus. J'ai sauvegardé un dossier dans le document périphérique pour éclater les données sur le bureau étiré. Au redémontage de l'image deux fois reconfigurée, amorcer sans échec la puissance du reset. C'est toi le virus. C'est toi le virus.